J'ai un dernier coup à te proposer, Coba. Ce plan-là, il est fait pour toi. Il me faut un gars vif, rusé et perspicace. Un bonhomme qui a la même fougue que moi quand j'étais petit. Un type comme toi, en somme. Coba du 7. Après ça, si tu te déroules sans accro, je te passe le relais, je te confie toutes mes affaires. Ouais, comme on dit chez nous. Demain, j'arrête. Pour t'épauler sur ce coup, j'ai 3 types à te présenter. Ensemble, le mélange devrait être explosif. Le premier, c'est le Maes. C'est lui qui va t'aider à récupérer le magot. Le second, c'est un Oji, un vrai. Il répond au nom de Niska. Crois-moi, Caspip, ça le connaît. J'en ai connu des amitiés gâchées à cause des gonzesses ou par appât du gain, mais pas avec lui. Lui, il est fiable. Il ne laissera pas tomber. Jamais. Lui, c'est Nino. C'est un vrai crack. Il excelle dans tous les domaines. Gueudreau, recette d'armes, pute. Bref, le terrain, c'est son quotidien. Ils t'attendront demain matin devant ton bloc dans une Merco immatriculée RR9.1. Prends le paquet cellophané que j'ai planqué devant le Porsche et dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Restez vigilants, les gars. Il y a de fortes chances que la zone soit quadrillée par une armada de Schmitt en civil. Roulez sans vous arrêter jusqu'au bar de mon frère. Là-bas, vous allez faire la rencontre d'un quatrième type. C'est ton contact clé pour mener à bien cette mission. Mais je t'en parlerai un peu plus tard.